Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Gros succès hier pour l'opération Portes Ouvertes d'Europe 1, où officiait notamment Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. J'en ai fait raconter à nos visiteurs samedi et dimanche les grandes heures de cette station et notamment de ce studio où nous sommes. Cette station va bientôt fêter ses 60 ans. On aura l'occasion d'en parler un certain nombre de fois d'ici à la fin de la saison, bien entendu. Merci à toutes celles et à tous ceux que j'ai pu croiser dans nos couloirs et qui m'ont dit de bien gentilles choses, notamment sur vous, Céline. Oh ben vous savez, mais oui. On passe au sujet d'aujourd'hui et c'est Pierre, 29 ans de Caen, et Florian, 36 ans de Brest, qui vous l'ont suggéré. Oui, un sujet qui ne laisse personne indifférent puisqu'il s'agit des Vikings. Ces marins, ces guerriers, ces commerçants, ces aventuriers venus du Nord et sur lesquels fleurissent un certain nombre d'idées fausses que j'aimerais aujourd'hui aider à rectifier. Alors pour nous guider sur les traces des Vikings, j'ai convié le grand spécialiste de la question, incontournable sur le sujet, Régis Boyer, que nous sommes très honorés de recevoir dans ce studio. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question d'Edwin, posée sur la page Facebook. Edwin voudrait connaître l'origine de l'expression « passer sous les fourches caudines ». À question historique, réponse historique dans un moment. Pour tout de suite, là maintenant, je vous propose de mettre le cap sur les fjords scandinaves, à la recherche des véritables Vikings. Celui dont je vous parle d'abord est le plus célèbre, mais peut-être pas le plus emblématique, c'est Éric le Rouge. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Sommes-nous dans l'histoire, sommes-nous dans la légende? Lorsqu'il est question du plus célèbre des Vikings, d'Éric le Rouge, on peut très légitimement poser cette question. En tout cas, nous sommes dans la saga. Vous savez, les sagas, ce sont ces grands récits scandinaves assez inouïs, hein, qui s'ouvrent généralement sur des généalogies avec toutes sortes de noms très étonnants, assez imprononçables pour nous, bien entendu. Ces sagas, c'est dans ces récits médiévaux qu'on trouve un grand nombre des éléments dont nous disposons sur la civilisation viking. Alors, la saga d'Éric le Rouge raconte comment les Vikings ont colonisé le Groenland. Les Vikings étaient, vous le savez, des marins hors pair. On parlera tout à l'heure des drakkars, etc. Bien entendu, c'était de bons fermiers, c'était d'excellents marchands, une dimension très importante. On en retrouve dans toute la Scandinavie, bien entendu, au Danemark, en Suède, en Norvège, entre le 8e, le 9, 10, jusqu'au 11e siècle. Ce sont de grands aventuriers, ce sont des colonisateurs aussi. Les Danois sont descendus vers le sud, ils ont tenté de coloniser l'Irlande, l'Écosse, la Normandie, bien entendu, et puis, par voie de conséquence, l'Angleterre, dans laquelle ils avaient déjà mis un pied. Les Suédois vont se diriger, eux, plutôt vers la région plus à l'est, hein, dans la partie occidentale de la Russie, si vous voulez. Les Norvégiens regardent vers l'ouest, toujours plus à l'ouest, vers l'Islande, vers le Groenland. Et bien justement, c'est un Norvégien dont je vais vous parler aujourd'hui. Éric le Rouge, à l'été 982, doit tout faire pour échapper à la vengeance de son voisin qui s'appelle Thorgest. On est dans l'île d'Oxney, qui est seulement à quelques kilomètres des rivages islandais. C'est pas un bon terrain pour se cacher, semble-t-il, puisque ce sont des paysages immenses, désolés. Heureusement, notre Éric a amarré en secret son bateau dans la baie de Dimoun, non loin de là, et grâce à lui, il compte s'enfuir encore plus à l'ouest sur ce territoire qu'un certain Gunnbjörn Ulfsson, je sais pas si je prononce bien, sans doute même très mal, mais enfin je fais ce que je peux, que ce Gunnbjörn Ulfsson aurait découvert près d'un siècle auparavant. Vous savez, on dit que c'est ce fameux personnage, hein, qui aurait dérivé, il était dans le brouillard, il aurait finalement aperçu un continent qu'il avait trouvé très habitable et même accueillant, c'était le pays vert auquel il aurait donné le nom de Groenland. Éric le Rouge entraîne dans son aventure sa femme, Thorhild, ses trois garçons, Leif, Thorvald et Thorstein, et sa fille unique, Freydis, ainsi que quelques compagnons qui l'ont soutenu dans sa bataille contre Thorgest. Alors, vous allez me dire, mais quel événement a bien pu pousser cet homme à risquer sa vie et celle de toute sa famille et à se rendre sur un territoire complètement inconnu. Eh bien, il avait été banni, figurez-vous. C'était la peine majeure dans cette civilisation. Il avait été banni de sa terre pour une durée de 3 ans. Éric le Rouge est donc condamné au bannissement. On l'appelle Éric le Rouge, semble-t-il, du fait de sa chevelure et de sa barbe rousse. Il était né vers 940, donc en Norvège. Son père s'appelait Thorvald et il a élevé son fils dans ce pays dont Jean Mabir nous dit qu'il était sculpté par le vent et la mer creusée en plein roc par le flot déchiré et sauvage. Cette famille règne sur la terre de Yéderen, on est au sud-ouest du pays. Là, il n'y avait d'autres dieux que sa force, nous dit-on à propos de Thorvald. D'autres soucis que son bien, d'autres lois que son honneur. Eh bien, c'est justement cet honneur qui va conduire la famille un peu plus à l'ouest, vers l'Islande. Vous imaginez 40 serviteurs, une trentaine de marins au service de cette famille. Le père d'Éric le Rouge était très jalousé dans la région. Il était entré en conflit avec un de ses voisins du nom de Godrut. L'histoire ne nous dit pas vraiment pour quelle raison. Toujours est-il que Thorvald finit par donner la mort à son voisin. Je cite Mabir. Les anciens avaient naguère établi une comptabilité rigoureuse. Un mort coûtait tant. Et un pied et une main. L'œil valait la moitié de la vie et l'oreille le quart. Au Thing, c'est-à-dire à l'assemblée locale, qui se distingue de l'Alting, qui est l'assemblée nationale, donc au Thing du Hordaland, Thorvald avait discuté d'abord, puis il avait payé, chicanier pendant tout le débat et scrupuleux après la sentence. Mais les juges ne s'étaient pas estimés satisfaits. En tuant un homme libre, le père d'Éric le Rouge avait troublé l'ordre. Ils ordonnèrent alors de confisquer tous les biens de Thorvald au bénéfice du roi Harald Bellechevelure, puis ils le condamnèrent au bannissement à vie. Et quand il est condamné au bannissement, évidemment, c'est toute la tribu, c'est toute la famille qui s'en va avec lui, et tous les serviteurs et tous les gens qui le soutiennent, bien entendu. C'est la raison pour laquelle Éric va donc grandir en Islande. Tous ces gens ont dû reprendre, ils ont dû redémarrer à zéro, si je puis dire. Lorsqu'il débarque, l'Islande est déjà largement colonisée, toutes les bonnes terres, semble-t-il, sont déjà prises. Alors la famille s'installe sur la presqu'île de Drangar, qui est une terre pauvre située dans la partie la plus au nord, la plus septentrionale de l'Islande. Le jeune Éric va se marier, tout jeune d'ailleurs, avec Thorhild, une veuve à la poitrine généreuse comme une proue de navire, nous dit Mabir. Il choisit de s'établir dans la région de Haukadal, où sa femme avait déjà des propriétés. Il nomme l'endroit Erikstadir, le hameau d'Éric, et il décide d'y fonder son foyer. La vie dans ce Grand Nord n'est pas commode, bien entendu. Vous imaginez qu'on est là dans une région extrêmement inhospitalière, avec beaucoup de neige une grande partie de l'année, avec des étés qui sont balayés de sèches tornades. La charrue éventrait les meilleures terres et les moutons se contentaient des plus mauvaises, nous dit notre auteur. Les moissons s'engrangeaient dans les huttes couvertes d'un toit de planches et de gazon où poussaient des herbes folles. Mais la nature n'est pas la seule à être rude avec cette famille et avec Éric. Les hommes le sont aussi dans ce territoire particulièrement hostile. Et les jaloux autour de lui, les jaloux sont nombreux, sans doute trop nombreux. C'est un extrait du générique de la série télé Les Vikings sur Europe 1. Dans un instant, nous revenons à votre récit, Franck Ferrand, sur Éric le Rouge. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie du viking Éric le Rouge. Alors, vous avez compris qu'il y a une certaine tradition de violence dans la famille. Il ne faut pas leur monter sur les pieds au Thorvald et au Éric, etc. Comme son père autrefois, il va se mettre à dos un de ses voisins. Or, peu de temps après, Il se trouve que le voisin en question vient à mourir de manière pour le moins étrange. Il y a une falaise voisine qui s'est éboulée et qui a réduit en miettes la demeure du pauvre homme, ce qui a tué toute la maisonnée par la même occasion, bien entendu. Alors, c'est vrai que les tremblements de terre ne sont pas vraiment exceptionnels dans cette région, mais autour, dans les environs, on va quand même soupçonner assez vite le Norvégien d'avoir d'une manière ou d'une autre un peu aidé la nature, vous voyez. Les Vikings sont un peuple païen, très superstitieux. Est-ce qu'on aurait fait appel à l'intervention de Thor, d'Odin ou de je ne sais quel dieu? On va voir tout à l'heure quel était de quoi se constituait leur panthéon. En tout cas, un parent du défunt, il s'appelle Eyjolf l'Infect. Ça, assez formidable les sagas, parce que oui, ils ont tous des surnoms plus désopilants les uns que les autres. Ce Eyjolf l'Infect décide de se venger. Il s'en prend à deux serviteurs d'Éric le Rouge. Il est courageux mais pas téméraire, l'homme en question, bien entendu. Ça rend notre viking complètement fou. Il décide alors de se faire justice lui-même, d'en finir avec l'Infect d'un coup d'épée dans le crâne. Et pour aller jusqu'au bout, il va jusqu'à ôter la vie d'un ami d'Eyjolf qui s'appelle Harfn. Je sais pas, bon, ça s'écrit H-A-R-F-N. C'est un peu étonnant. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a une chose que les Vikings ne tolèrent pas, c'est qu'on ôte la vie d'un homme libre. La justice à ce sujet est assez impitoyable. Voilà ce que nous dit Liliane Crété. Le Rouge va être convoqué à l'Althing, hein, donc à l'espèce d'assemblée à l'échelle générale, nationale si vous voulez. On est là autour de l'an 980. Je cite Liliane Crété. « L'Althing se réunissait pendant 15 jours chaque été dans une plaine située à une soixantaine de kilomètres de Reykjavik, la Thingvellir. Il n'y avait ni roi ni noble, l'autorité d'un homme se mesurait au nombre de ses partisans. Sur les 400 chefs de clan que comptait l'île, 36 exerçaient le pouvoir, entourés chacun de deux conseillers. Ceux-ci se retrouvaient donc chaque été au pied d'un rocher, le Lögberg, ou rocher de la loi, pour parlementer. C'était là l'occasion pour les Islandais d'affirmer leur unité, d'exposer leur cas au jugement des Gödi, donc les législateurs, comme aussi, nous dit-on, d'acheter une épée, arme suprême du chef viking, de vendre une terre, de marier une fille, d'exhiber ses plus beaux vêtements et de faire la fête. Bref, c'est la grande réunion annuelle. Éric le Rouge ne vient pas festoyer, lui, puisqu'il attend son jugement. Et bien qu'il ne s'agisse que d'une riposte, rien n'y fait, la sentence tombe et ça y est, j'allais dire ça recommence, c'est le bannissement du continent. En soi, la sentence n'est pas aussi dure que celle qu'avait dû accepter son père, puisque ça lui laisse la possibilité de s'installer dans un des nombreux archipels islandais. C'est pourquoi, avec ses biens, bien sûr sa femme, ses quatre enfants et puis tous ses partisans, lui aussi, va embarquer en direction de la petite île d'Oxney, à quelques kilomètres seulement du rivage. Et, de nouveau, il faut tout recommencer, bien entendu, se réapproprier la terre qu'il avait mis tant de temps à rendre fertile chez lui là-bas à Eriksstadir. Il faut aussi reconstruire un foyer pour mettre la famille à l'abri, car la vie est dure sur ce petit îlot en proie au vent, aux embruns. Éric se noue d'amitié avec un certain Thorgest, donc un de ses voisins, si l'on peut dire. C'est une relation qui, une fois de plus, ne va pas survivre à la convoitise ambiante. En arrivant à Oxney, Éric n'a presque rien, si ce n'est les deux instaffars qu'il a hérités de son père. Les instaffars, ce sont des espèces de colonnes d'honneur un peu totémiques. Vous savez, on verra tout à l'heure à quoi ça correspond exactement. Ce sont des sortes de poutres en bois sculptées à l'effigie des dieux. Ce sont ces colonnes qui supportent le toit de la maison. Il y a toute une valeur, évidemment, ancestrale, toute une très très grande, des sentiments très forts qui s'attachent à la possession de ces poutres. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays particulièrement peu boisé, où le bois est donc rare. Un jour, Thorgest, le fameux voisin, vient voir Éric pour lui demander un service. Il voudrait lui emprunter ces fameuses poutres. Éric n'est pas emballé du tout à l'idée de se séparer de son bien le plus précieux, mais après tout, Thorgest a été accueillant avec lui. Il lui a même prêté des outils aratoires pour faciliter son installation. Alors, il n'ose pas lui refuser. Thorgest promet de lui restituer les colonnes d'honneur dès que sa maison sera achevée. Les énormes pièces de bois sont arrimées sur le dos d'un mulet et Eric regarde avec quelque inquiétude son voisin disparaître dans le crépuscule avec le précieux chargement, nous dit Mabir. Il lui semble qu'on lui enlève une partie de lui-même, cette partie la plus précieuse qui vient du fond des âges. Ces colonnes aux effigies de Thor et d'Odin n'appartiennent pas seulement à lui, mais aussi à Leif, son premier fils, et aux fils de Leif et à tous ceux qui viendront après lui sur la libre terre d'Islande. On imagine déjà ce qui va se passer dans le chapitre suivant. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions sur les Vikings par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons à votre récit Franck Ferrand sur Éric le Rouge. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie d'Éric le Rouge. Alors, évidemment, Eric attend qu'on lui restitue ses colonnes, ses poutres ancestrales. Je n'ose plus prononcer le nom, ses instaphars, apparemment, c'est le terme consacré. Et au moment de réclamer son bien, eh bien, arrive ce qui devait arriver. Thorgest lui dit, mais pas du tout, il y a très longtemps qu'elles sont chez moi, elles sont restées trop longtemps, maintenant elles m'appartiennent. Alors, la façon normale de régler un différend comme celui-là, c'est de se rendre devant le thing local, justement, pour porter la chose en justice. Mais pas du tout, vous avez compris que chez les enfants de Thorgvald, on n'est pas du tout compréhensif. Et notre Eric va s'en prendre directement à Thorgest et à sa famille. Les serviteurs d'Éric le Rouge maîtrisent les serviteurs de Thorgest, qui sont pris au dépourvu, qui vont se battre. Néanmoins, vaillamment, finalement Eric prend le dessus, il récupère ses colonnes, il assassine au passage les deux fils de son nouvel ennemi ainsi qu'un certain nombre de serviteurs et le voilà qui s'enfuit dans la nuit noire. La guerre est déclarée, il va falloir ériger des remparts autour des fermes respectives bien entendu et lors du thing suivant, au thing local, dont dépendent donc ces deux voisins querelleurs, on juge que tous ces gens de l'île du fjord de Breida deviennent vraiment trop turbulents. Il faut faire un exemple. Le fils de Thorvald ne sait que trop signaler par son humeur batailleuse. La sentence tombe. Je cite « Éric le Rouge, tu préfères ta propre force à la justice commune des hommes libres. Tu seras banni pour 3 ans et cette fois tu devras quitter l'Islande. » Alors, où se rendre ? Éric le Rouge ne veut pas s'établir en Écosse ou en Irlande, où il estime que les Vikings ne sont déjà que trop nombreux et les bonnes terres toutes prises. Il n'est pas question d'aller en Normandie, on verra tout à l'heure pourquoi. C'est donc, on est à l'été 982, c'est ce qui va pousser Éric le Rouge à décider de suivre les traces de ce fameux Gunnbjörn Ulfsson, vous savez, qui avait découvert le territoire inconnu, le fameux Groenland. Ça se passait un siècle plus tôt à peu près. Je cite à nouveau Jean Mabir. Le banni se met en route dès la tombée de la nuit. Il connaît les sentiers et les détours. Il tient ses armes à portée de main et personne n'oserait lui barrer la route de l'évasion, la route de la liberté, la route de la tempête. Ses hommes dressent le mât lourd de près d'une demi-tonne qui vient s'encastrer dans son berceau au centre du navire. Avec ses 23 mètres de long et ses 5,25 mètres de large, c'est déjà un beau bâtiment. Bien qu'il soit creux de près de 2 mètres, ce qui permet d'entasser sous le plancher toutes les provisions et tout le matériel nécessaire à une longue expédition, son franc-bord ne dépasse guère 1,10 m et donne ainsi au bateau une ligne magnifique. Liliane Crétier d'ailleurs décrit la navigation chez les Vikings. Elle nous parle de ces navires, un large et bas de couple avec une quille profonde. Ils pouvaient, dit-elle, ces navires résister aux fortes lames de l'Atlantique et faire voile presque directement vent debout. Pour naviguer, les Vikings se guidaient sur le soleil et les étoiles, sur le vol des oiseaux et sur les créatures marines, sur les vents et les courants, sur la couleur de l'eau, sur les points de terre. J'ai l'impression qu'on leur prête beaucoup de poésie et un esprit plus aventureux encore que n'était le leur. Nous verrons ce qu'il faut en penser dans un instant. Enfin, nous dit Jean-Pierre Cartier, enfin voici la terre. À vrai dire, elle ne paraît pas du tout hospitalière. Du bateau, on n'aperçoit qu'un immense glacier qu'Éric baptise le manteau bleu. Cette terre, Éric décide de la contourner. Il met le cap vers le sud. Le paysage est effroyablement désolé. Nulle part on n'aperçoit le moindre habitant et la saison avance. Il faut hiverner. L'équipée va remonter sur la côte de ces nouvelles terres. Elle aperçoit quelques prairies. Éric décide que c'est là qu'il faut amarrer. Il choisit un fjord qu'il va baptiser Éricskay Et il faut, il est grand temps de s'installer, de prendre ses marques avant que l'hiver ne s'installe. Éric et ses compagnons construisent aussitôt une longue demeure à la mode islandaise, nous dit notre auteur. Les pierres ni la terre ne manquent, mais il faut économiser le bois et la tente du navire servira de toit. Ce campement nommé Brattahlid ne tardera pas à être enseveli sous la neige et la nuit du premier hiver. L'histoire ne nous en dit pas plus sur les conditions dans lesquelles Éric et ses hommes ont vécu la saison, mais tout laisse à penser que l'intégration a été beaucoup plus difficile et beaucoup plus pénible que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Il n'empêche, un nouveau territoire est découvert, il est beaucoup moins vert qu'il n'est blanc. En vérité, il avait été abusivement baptisé « Terre verte ». Cela reste, nous dit Jean Mabir, un havre inexpugnable pour tous les évadés de la mer, pour tous les bannis, pour tous les hors-la-loi de l'Empire viking. Les pâturages ne sont que des marais et la pierre pousse mieux que l'orge dans les champs d'Éric, mais personne ne viendra plus lui disputer les frontières de ce royaume du bout du monde. Bonjour Régis Boyer, après toutes ces légendes, nous allons en arriver aux réalités de l'histoire des Vikings. Et avec vous, nous allons essayer de redresser un certain nombre d'idées fausses. Le moins qu'on puisse dire est que sur cette civilisation en particulier, elles sont tout à fait nombreuses. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire des Vikings cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Régis Boyer, professeur émérite de l'université Paris 4 Sorbonne, auteur notamment des Vikings, histoire, mythe, dictionnaire aux éditions Robert Laffont, collection Bouquin. Alors, les auteurs que j'ai cités dans ce petit récit, Régis Boyer, s'inspirent directement de la célèbre saga d'Éric le Rouge. Est-ce qu'il faut faire confiance à ce genre de saga scandinave pour nous guider sur les traces des quelques personnages qui ont échappé à l'oubli ? Dans un premier temps, je voudrais vous féliciter de la qualité de votre lecture. Vous avez bien résumé les deux textes, pas un, deux. Oui, oui. La saga d'Éric le Rouge, Eric Saga Rauda, et il y en a une autre qui s'appelle Grænlendinga Saga, la saga des Groenlandais. Ce sont deux textes qui sont des faux notoires. Ah ben voilà, ça commence fort. Les événements que vous avez relatés se sont probablement passés avant l'an 900. Les sagas les plus récentes ont été rédigées au mieux à l'extrême fin du 12e siècle. C'est-à-dire plus de 3 siècles après. Ah oui. Et d'une part. D'autre part, les sagas ne sont pas des produits autochtones. Ce sont des créations qui ont été faites par les Islandais, catholiques, finement cultivés et imprégnés de cultures latines et grecques et médiévales. Ce qui nous rend ces sagas tellement agréables, familières. Mais bien sûr, bien entendu. Mais ce qu'elles racontent, c'est difficile de les décrypter parce que c'est un mélange d'événements qui sont certainement réels et d'affabulations qui vient des modèles qu'ils ont subis dans l'Antiquité ou dans le Moyen-Âge. Alors, pour dire quoi ? Pour dire que Éric le Rouge a certainement existé. Il a certainement été banni d'abord de Norvège, comme vous l'avez dit, puis d'Islande, comme vous l'avez dit. C'était un mauvais garçon, c'était un sale type. C'était un type invivable. Il a certainement été obligé de quitter l'Islande. Il a certainement découvert les Gunnbjartnarskir, c'est-à-dire les rochers de Gunnbjartn, qui étaient un des ancêtres, mais pas le Groenland, hein. Et il y avait dans sa famille, j'en repars dans 2 secondes, une tradition qui voulait que si tu vas vers l'ouest, c'était des navigateurs impénitents, hein. Si tu vas vers l'ouest, tu vas découvrir un pays extraordinaire. Alors, il y avait ces rochers de Gunnbjartn, ça s'appelle. Alors, il était banni pour la 2e fois, il a rassemblé quelques amis et ils sont partis dans, non pas leur drakkar, cher monsieur, dans leur knerrir ou dans leur skeil ou dans leur langskip ou dans leur scooter, mais pas drakkar. On peut dire Viking Skip. C'est Dominique qui nous dit ça via Twitter. Oui, mais ça n'existait pas dans la langue, ça. Les Vikings ne s'appelaient pas Vikings eux-mêmes. Hein. C'est les non-Vikings qui les ont appelés Vikings. Bon. Comment s'appelaient-ils entre eux, d'ailleurs? Ils ne s'appelaient pas. Voilà. Il n'y avait pas de dénomination. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a été obligé de s'en aller. Il s'en est allé avec des amis. Ils ont découvert les rochers de Gunnbjartn et de là, ils sont allés plus à l'ouest. Et donc, c'est évident. Vous savez, notre seule maîtresse, c'est pas les récits des clercs et des... Notre seule vraie maîtresse, c'est l'archéologie. L'archéologie, ah, oui. C'est ce... Alors, à chaque fois que les textes font des faux, c'est... Ils ont vraiment découvert ce pays. Disent les textes qu'ils ont baptisé Greenland, c'est-à-dire le pays vert, parce que, dit un texte, Éric Le Rouge a pensé que s'il donnait un joli nom à ce pays-là, ça donnerait envie aux autres d'y venir. Voilà. Je sais pas si c'était de la publicité avant l'heure. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Groenland. Non. Moi, ça m'est arrivé pas mal de fois. C'est difficile de baptiser ça pays vert, mais c'est comme ça. Le climat peut-être un peu changé, non ? Il s'est vraiment installé là, Brachtarlil, et il a colonisé ce pays-là. Ça, c'est pas contestable. Bon. L'autre question qu'il faut soulever très rapidement dans le peu de temps dont je dispose, c'est que Éric Le Rouge, vous savez, ça compte beaucoup dans ces milieux-là, descendait d'ancêtres celtiques. C'était pas un vrai Scandinave. Il n'était pas vraiment tout à fait de racines scandinaves. Et alors, chez les Celtes, vous allez voir que c'est important. Il existe une tradition du récit fabuleux, du voyage fabuleux, du voyage fantastique. Vous avez déjà entendu parler de Saint Brandan, 5e siècle, qui était un ermite irlandais et qui était allé sans aucun doute d'Irlande du Sud, de Kerry, jusqu'au Brésil, et qui était revenu. Et c'était tellement célèbre que tout le Moyen-Âge en a parlé. Il existe même une saga islandaise, Brendanussaga, qui parle de lui. Alors, il y avait dans la famille d'Éric cette tradition du voyage fabuleux dans des pays lointains, etc. Il est probable... je parle pas du Groenland, c'est le Groenland, c'est une chose acquise. Hein. Il est probable que dans cette tradition s'est inscrit l'idée que, après tout, mes enfants, ils sont bien capables de faire aussi des voyages fabuleux. Alors, un des fils d'Éric Le Rouge s'appelle Leif. Oui. C'est l'aîné, Leif, là ? Oui, c'est l'aîné. Serait parti de l'extrême sud-ouest du Groenland et serait allé vers ce que vous appelez l'Amérique aujourd'hui. Mais oui. En fait, s'il a vraiment fait ce voyage, il est allé du côté de Saint-Pierre-et-Miquelon ou du côté du Labrador. À la limite, et c'est difficile à imaginer, il a exploré l'embouchure du Saint-Laurent. Moi, j'y crois pas. Je veux dire, je pense qu'ils ont aperçu, en effet, les côtes de l'Amérique du Nord, qu'ils ont appelées d'abord Hetland, le pays des dalles plates, puis Markland, le pays des forêts, puis Vinland, alors là, à votre choix, soit le pays de la vigne, soit le pays des prairies. Je pense que le pays de la vigne, ça ne se soutient pas. Ouais, non, oui, on voit pas bien pourquoi. Latitude. Oui. Ah oui, mais j'ai un cousin qui est champenois et fabricant de champagne et qui m'a dit qu'on pouvait faire pousser de la vigne n'importe où. Ça ne fait pas de problème. Après tout, oui. Bon, donc en fait, vigne, si vous mettez un accent aigu ou pas sur le i, ça peut vouloir dire ou bien la vigne ou bien la prairie. Et il se trouve que deux archéologues norvégiens, Helge Ingstad et sa femme, ont été colonisés ces coins-là et qu'ils ont découvert un site qui s'appelle Lance aux Meadows. Meadow in English, c'est la prairie. Ils ont découvert une espèce de campement viking, peut-être, je ne sais pas. Donc, Vinland serait plutôt le pays des prairies. Mais enfin, je considère que c'est une légende, ça. Peut-être les ont-ils aperçus, ces territoires-là. Ils n'y ont pas débarqué, et ils ne les ont pas colonisés, ça c'est une chose évidente. Voilà. Alors, c'est pour cerner le problème. Vous lisez les sagas, vous les avez très bien lues. Il y a une discrimination extrêmement rigoureuse à faire entre la petite part de réalité qui est historique, qui est juridique, qui est tout ce que vous voudrez, et puis la légende. La grande part de poème, évidemment. Oui. Mais poème, je sais pas, c'est poème, mais légende. On peut dire en tout cas que dans cette lignée des Thorvald, d'Eric, Leif, etc., donc d'origine celtique, nous dites-vous, oui, il y avait cette tension vers l'ouest, en quelque sorte, qui les a amenés à découvrir successivement le Groenland et un certain nombre de côtes américaines. Oui, monsieur, on peut élargir le sujet davantage. Le viking, c'est avant tout un navigateur hors pair, surtout à son époque. Le viking, c'est son bateau qui ne s'appelle pas Drakkar, comme je viens de dire. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les Drakkar? Ça sort d'où, ça? On les appelle les Drakkar parce que... c'est ce que j'ai le temps, oui. Mais oui. Leur bateau était un bateau symétrique, comme vous le savez, proue et proue, avec une quille d'un seul tenant, et la proue était terminée par une figure animale qui était amovible et qui avait pour effet, cette figure de proue, d'effrayer les esprits tutélaires des endroits, parce qu'ils y croyaient beaucoup à ça. Ils pensaient qu'à un lieu s'attachaient des divinités tutélaires. Alors, quand ils arrivaient à un pays où ils voulaient faire des affaires, ils mettaient leur proue, elle était amovible. Hein. Mais quand ils rentraient chez eux, ils l'enlevaient pour ne pas effrayer leur propre esprit tutélaire. Ça s'appelle Landweitir, l'esprit tutélaire en question. J'espère que Céline, vous notez bien tous ces noms. Hein, alors, majoritairement, cette figure de proue, c'était un monstre. Et majoritairement, ce monstre, c'était un dragon. Et le dragon, ça se dit Drekki, dans cette langue-là. Ah. Et alors, de Drekki à Drakkar, en passant par la Suède, voilà ce que ça donne. C'est pour ça qu'on les appelle Drakkar. Mais jamais eux n'ont appelé leur bateau Drakkar. Jamais. Alors, ces vikings qui eux-mêmes ne s'appelaient pas vikings, à quoi ressemblaient-ils? Comment vivaient-ils? Quelles étaient les spécificités même de la société qu'ils avaient fondée? C'est ce que nous voyons avec vous, Régis Boyer, dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des Vikings, avec votre invité Régis Boyer, professeur émérite de l'Université Paris 4 Sorbonne, auteur notamment des Vikings, Le Cavalier Bleu, collection Idées Reçues. Qui étaient-ils, ces Vikings? On va parler un peu Régis Boyer. Si c'est possible, on va commencer au commencement. On va parler, les Vikings, ce sont des Suédois, des Danois, des Norvégiens. Ça sera ensuite des Islandais, et encore très peu, par la suite, plusieurs siècles après. La Scandinavie, à cette époque-là, hein, c'est étonnant ce que je vais dire, mais c'est comme ça, était un pays, un ensemble de pays très pauvres. Agriculture, zéro. Industrie n'en existait pas. C'était des pays aussi inondés, couverts de marécages. Ça, c'est très surprenant. Mais ils ont fait un effort de drainage et d'assèchement, comme l'Allemagne du Nord, d'ailleurs, considérable au cours des deux derniers siècles. La seule ressource que ces gens-là avaient, c'était le commerce, tiers secteur. Et comme le pays était couvert d'eau, l'eau des marécages, comme je viens de dire, mais l'eau des rivières, l'eau de la mer, l'eau des cascades, l'eau gelée, leur seul moyen d'en triompher, c'était de se fabriquer un bateau potable. Alors, ils ont inventé leur bateau, qui est une merveille, qui reste une merveille aujourd'hui. Les spécialistes s'extasient devant ce bateau monté à clin vif, avec une quille d'un seul tenant, etc. Bref. Et grâce à leur bateau, ils ont pu pratiquer un commerce qu'on suit très bien. On connaît leurs itinéraires, on connaît leur point de chute, leur, disons, relais. Ils ont fondé pas mal de comptoirs. On connaît leurs agents. Et c'est une chose extraordinaire. Les langues scandinaves étaient à l'époque difficiles. Elles sont encore pas faciles à prononcer. Et ces gens-là se déplacent, mettons, de Bergen, dans le sud de la Norvège, jusqu'à Byzance, sans le moindre problème linguistique. C'est moi qui ai levé ce problème le premier. Alors, comment ça se fait? Ils avaient des agents, simplement des interprètes, etc., on a gardé des documents qui sont des lettres émanant de Romains qui commandent des marchandises, je désire tant de... etc. Donc des grands commerçants. Voilà. Et puis, ça a dû commencer, le bateau en question, que vous n'appelez pas Drakkar, n'est-ce pas? Le bateau en question a dû être viable vers le 5e siècle. Les plus anciens que l'archéologie a découverts ont été découverts à Nudam, au Danemark, et doivent remonter au 5e siècle. Et ce bateau-là était capable d'aller partout, en haute mer, dans des rivières, dans des lacs, etc. Alors, donc des marins, ça c'est incontestable, des marchands, nous dites-vous, mais on a toujours l'image, nous, de guerriers, et qui plus est, de guerriers. Ils se sont aperçus, on va se passer du côté de 900. Oui. Il y a là le délabrement total de l'Empire carolingien. Parce que les fils de Charlemagne, comme vous le savez vous-même, ils sont entrebattus au lieu de s'unir. Puis d'ailleurs, l'Empire carolingien était mal fichu, il était trop ramifié, trop démembré. Il n'était pas cohérent, oui, c'est sûr. Non, incohérent. Et en même temps, il y a eu une montée en puissance de l'Arabie, enfin des Arabes, qui ont traversé la Méditerranée et qui ont coupé la voie de navigation entre nord et sud en Méditerranée. Alors, d'un seul coup, ces commerçants-là, je parle des Vikings, n'ont plus été capables d'exercer leur activité dans le sud, qui était la grande voie royale pour aller jusqu'à Byzance. Et puis ils se sont rendus compte, étant donné le délabrement de l'Empire carolingien, qu'un bon coup d'épée à tranchant double ou un bon coup de hache à fer large permettait de résoudre des affaires beaucoup plus facilement que des interminables palabres. Donc, ils sont devenus guerriers parce qu'ils étaient obligés par les circonstances et quand ils le pouvaient et là où ils le pouvaient. Je voudrais attirer l'attention sur un point. Mon Dieu, aujourd'hui, 9 millions de Suédois, 5 millions de Danois, 4 millions de Norvégiens, 340 000 Islandais. Total, moins de 19 millions d'habitants, c'est-à-dire même pas le tiers de notre pays. Alors reportez-vous en 900, puisque le phénomène viking, c'est 800-950. 800-1050, pardon. Reportez-vous à cette date-là, c'est un nombre ridicule. Il n'est pas possible qu'ils aient eu des armées, comme disent les chroniques épouvantées, ou des flottes innombrables. C'était impossible. Mais alors, d'où vient cette légende? Alors, ben, j'y viens. Mais je vais vous dire, on n'a pas d'exemple de bataille rangée par la force des choses entre des vikings et des non-vikings et que les vikings aient gagné. Ils étaient battus à pleine couture et dès qu'ils avaient une résistance trop forte en face d'eux, ils n'insistaient pas. Ils retournaient à leur commerce, un point c'est tout. Alors pourquoi? Pourquoi la légende? Ben ça je sais. Parce que on connaît très bien leur tactique. C'était des gens qui s'en allaient à l'étranger pour gagner de l'argent, pour devenir riches. Parce que chez eux, c'était la misère. C'est curieux à dire, mais c'est comme ça. Alors, ils allaient faire des transactions, ils acquéraient des richesses et ils rentraient chez eux. D'ailleurs, les richesses, en général, quand ils rentraient chez eux, ils les enterraient parce qu'ils avaient peur qu'on les leur vole. Bon, ça, c'est autre chose. Mais l'archéologie, toujours l'archéologie, retrouve des quantités de trésors. Ça fait le bonheur des archéologues. C'est ça. Donc, ils descendaient pour guerroyer, pour de faire. Pardon, je reprends ma phrase. Ils descendaient pour faire fortune. Un point, c'est tout. Si c'était possible, ça valait bien. Si ça allait bien, si ce n'était pas possible, ils n'insistaient pas. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent avec force. Mais alors, j'y viens. Leur tactique est bien connue. Leur bateau, leur célèbre bateau, il n'y a pas de viking sans bateau. Le bateau, c'est le viking. Si le bateau cesse, il n'y a pas de viking. Bon. Leur bateau arrivait à la tombée de la nuit, s'embossait à l'embouchure d'une rivière, dans une île, comme Noirmoutier, Jeufoss, Oisel, Thanet, pour l'Angleterre. Ils attendaient que la nuit tombe. La nuit tombée, ils sortaient sur les chevaux qu'ils avaient embarqués et ils se précipitaient à ventre à terre sur le point vulnérable. Et qu'est-ce que c'était le point vulnérable? C'est-à-dire pas défendu. C'était une abbaye, une collégiale, une cathédrale, un couvent, etc., qui était sans défense et qui possédait des richesses considérables en or, en argent, pierres précieuses, chasubles, etc. Ils pillaient sans aucun scrupule, ils entassaient ça dans leur sac, ils mettaient le feu avant de s'en aller, ça a été les grands incendiaires de cette époque-là, ils repartaient ventre à terre, si j'ose dire, et ils se rembarquaient. Le temps que la population ait pu réagir, ils avaient disparu. Ils étaient déjà... Oui. Certains de ces monastères, il y avait suffisamment d'auteurs pour justement écrire la légende. Les seuls qui sussent, merci, écrire à cette époque-là, c'était les clercs. Mais oui, bien sûr. Et c'était eux les victimes numéro un. Et résultat, c'est eux qui ont écrit ces chroniques absolument ahurissantes. Qui nous les font passer pour de terribles barbares, voilà. Alors qu'au contraire, vous êtes démenés pour montrer à quel niveau de civilisation ils atteignaient. Si les Scandinaves ont pu, écrivez-vous dans l'ouvrage Les Vikings, réédité chez Tempus, s'ils ont pu en quelque sorte imposer leur présence au monde de leur époque, s'y installer et fonder des états stables, c'est qu'ils véhiculaient des valeurs et des structures solides. La civilisation scandinave était différente de ses contemporaines et son dynamisme s'explique certainement par l'état d'achèvement auquel elle était parvenue. Absolument, absolument. Et c'est facile à démontrer. Ils avaient une juridiction qui, c'est germanique, hein, oui, bien sûr, qui continue de faire école. Ils avaient une organisation sociale que vous avez un peu dépeinte tout à l'heure en parlant des things et everything. Ça a l'air assez démocratique comme ça, oui, ces things. Oui, hein, oui. Oh, démocratique. Enfin, disons que ça a l'air assez, comment pourrait-on dire, égalitaire. Voilà. C'est ça, oui, plutôt que démocratique. Juste, oui, parce que le mot démocratie, c'est un mot galvaudé maintenant. Hein. C'est vrai. Et ils avaient un sens du commerce, justement, et une recherche de la culture qui sont étonnants. C'est pourquoi j'ai passé ma vie, moi, à essayer de montrer ce que c'était que cette culture-là, parce que ça vaut la peine. Ils avaient des esclaves? Non, ils n'avaient pas d'esclaves. Ils faisaient des prisonniers qu'ils privaient de liberté pendant un certain temps. Mais ça n'a rien à voir avec les imageries américaines ou africaines que vous véhiculez aujourd'hui. L'esclave, il n'était pas libre. Pendant très peu de temps, il avait la possibilité de se racheter très très vite, en 2-3 ans. Et une fois que c'est racheté, ça redevenait un homme libre, tout à fait. C'est une civilisation d'origine germanique, nous disiez-vous. Oui, absolument. Quelle est la place de la femme dans cette civilisation? Ça, je savais que je n'y couperais pas. C'est poser le problème du féminisme en bon français du début du XXIe siècle. Il n'y a pas de sentiment de discrimination entre hommes et femmes dans cette culture-là. Il n'y a même pas de sens de la complémentarité entre ce que doit faire celui-ci et ce que doit faire celle-là. Ils étaient interchangeables, si vous voulez. La différence, c'est qu'elle faisait des enfants, voilà, et elle s'occupait aussi de la maison, et elle s'occupait aussi de l'éducation de tout le monde, alors que lui, plutôt, il était orienté vers les activités extérieures. Mais cette discrimination n'a pas de sens. Alors, il nous reste 3 minutes, Régis Boyer, et j'ai beaucoup de questions à vous poser, et qui arrivent notamment de la part de nos auditeurs. Je vais essayer de les résumer. D'abord, vous nous dites, c'est un phénomène qui s'étend de l'an 800 à peu près à l'an 1050. Oui, monsieur. Alors, que ça s'arrête en 1050, on le comprend assez bien. Ce phénomène viking va se diluer, en quelque sorte, dans les différentes civilisations Oui et non. Autour de l'an 1000, avec une uniformité qui confond les observateurs comme votre serviteur, ils se sont convertis au christianisme. Mm-hmm. Alors, à partir de ce moment-là, leur vision du monde, Weltanschauung, n'avait plus de valeur. Donc, ils se sont dépossédés d'eux-mêmes, tout simplement. Brusquement, en quelques décennies, ça n'avait plus de sens de ne pas être chrétien. Mais alors, pourquoi ne naissent-ils en tant que vikings, si l'on peut dire, puisque vous nous dites que c'est une appellation extérieure, exogène? Pourquoi ne naissent-ils qu'en l'an 800? Qu'y a-t-il avant et d'où viennent-ils exactement? Non, avant, il n'y a pas de vikings, ça n'existe pas, tout simplement. Avant, il y a des hommes du Nord, il n'y a pas de dénomination commune, si vous voulez, n'est-ce pas? L'appellation viking est une chose moderne, tout simplement. Et j'aimerais qu'on prenne 2 exemples d'États qui ont été en quelque sorte fécondés par ces vikings. La Russie, d'une part. Quel a été leur rôle la fondation de l'État russe? Je vous vois venir. Hein. La Russie a vraiment été fondée par les Suédois, par les vikings suédois. Vous savez, on a un texte extraordinaire d'un moine de Kiev du XIIe siècle qui s'appelle Nestor, qui dit, et ça vous allez me suivre avec facilité, « Nous autres Slaves, nous sommes incapables de nous gouverner nous-mêmes. » Bon, ça reste très valable aujourd'hui. « Et nous voyions passer sur les rivières, ils s'en allaient à Byzance. » Byzance était le centre du monde à cette époque-là. Partout le complexe des rivières russes aujourd'hui. « Nous voyions passer ces gens bien organisés, énergiques, et nous leur avons dit, voyez, nous ne sommes pas capables de nous gouverner, donnez-nous des princes qui puissent nous gouverner. » Alors les Suédois qui n'étaient pas idiots, ils ne se sont pas fait dire 2 fois, et ils ont fondé d'abord une principauté, ça s'appelle Novgorod aujourd'hui. Eux, ils appelaient ça Holmgarvir, et puis une 2e principauté à Kiev, dont on a beaucoup parlé tous ces temps-ci. J'approuve. Aujourd'hui, qui s'appelait pour eux Kainugarvir. Puis ces 2 principautés-là ont fusionné. Alors, on les surnommait des Rousses, Hulon S, sans doute parce que la majorité venait de la province qui s'appelle Roslagen, qui est juste en dessous de Stockholm aujourd'hui. J'approuve Julien qui nous dit que vous possédez un accent authentique et fantastique. C'est, nous dit-il, un véritable voyage sonore. L'autre exemple, c'est pour répondre à la question de Jackie qui nous demande si vous pouvez nous parler de ces Normands et notamment de Roland et de ces hommes dont descendent beaucoup de Normands actuels. Je pense que vous aviez la question dans la tête. Les Vikings n'ont pas colonisé la Normandie. Seulement, on avait des rois de France qui étaient d'une imbécilité rare, hein, Charles le Simple, Charles le Chauve, et ils n'étaient pas capables de résister aux déprédations commises par les Vikings. Alors, il y en a un, Charles le Chauve, qui s'est dit, tiens, je vais faire appel à un chef viking pour qu'il fasse la police lui-même. Alors, le chef viking, alors là, les spécialistes comme votre serviteur se battent, est-ce qu'il était... moi, je pense qu'il était orcadien, si vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une dynastie de vikings, de chefs vikings dans l'Orcade. Ils s'appellent Roland. Enfin, Rolvur. Ils ont fait appel à Rolvur. Et il lui a dit, 1, tu te fais catholique. 2, tu baisses ma femme. Ça, c'est l'enfance de l'art. Et 3, je te donne le duché de Normandie. Et voilà, comment ça s'est passé? Et ils n'ont pas colonisé. Ils ont donné ce que vous appelleriez des cadres à la Normandie. parce que c'était une aubaine, jolie province, belle femme, richesse. Je ne vois pas pourquoi ils auraient refusé. Mais ce n'est pas vraiment une colonisation viking. On était en 911, si oui. Je ne m'abuse. 912. Mais ce qu'il y a à dire, et c'est une chose étonnante, c'est qu'on n'a pas retrouvé le traité. Une dernière question, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. Plusieurs de vos auditeurs voudraient savoir ce que vous pensez de la série télévisée Viking. C'est bien, c'est pas bien? Ouais. J'en pense pas le bien. Bon, voilà, alors on s'en tiendra là. Merci infiniment, Régis Boyer, pour ce voyage sonore. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question d'Edwin. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Edwin s'est toujours demandé d'où venait l'expression « passer sous les fourches caudines ». Eh bien, tout ça nous ramène, cher Edwin, au 4e siècle avant notre ère, au temps de ce qu'on appelle la seconde guerre samnite. On est en 321 avant notre ère, exactement. Les Romains et les Samnites se disputent la ville de Naples, enfin ce qui était à l'époque Naples. Ce sont les Romains qui l'emportent. Les Samnites demandent la paix et... évidemment, les Romains ne veulent rien entendre. Alors les Samnites vont se venger. Ils élaborent tout un stratagème, ils montent un piège, si vous voulez. Une ruse qui consiste à lancer la rumeur d'une attaque sur les alliés des Romains. L'armée romaine, pour se rendre sur place, est contrainte d'emprunter un passage très étroit qui sillonne entre les roches des Apennins. Ce sont les fameuses fourches caudines. Et au bout de ces fourches caudines, au bout du détroit, si vous voulez, il y a les troupes samnites qui attendent. Le piège se referme sur les Romains qui sont encerclés de toutes part. Et là, les Samnites ne vont pas ménager les Romains. Les consuls, presque à moitié nus, sont envoyés les premiers sous le joug, nous dit Tite Live. Tous courbent donc ainsi la tête sous le joug. Ils n'ont pas pris Rome comme l'ont fait les Gaulois, mais la bravoure et la fierté des Romains. Et c'est là un titre de guerre beaucoup plus important. Voilà l'origine, tout simplement, de l'expression.